بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نغيب على page 100، أنا عندي page 136، le point 121. Normalement votre point c'est le même, mais la page c'est pas la même chez vous. 109 le point. Allez voir. Non. La page 109, le point 121. Eh, Thomas, on n'a pas les mêmes pages. Mon truc est quelques pages en plus devant. Vous me dites si ça colle. قال المؤلف رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير كذا رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم قلتش طرق قلتش. طيب traduction rapprochée. Le fait, l'auteur dit rahimahullah, il ne faut pas parler sur la guerre qu'il y a eu entre Ali et Muawiya et Aisha et Talha et Zubair. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous et ceux qui étaient avec eux. Et ne te dispute pas, ne discute pas à ce propos-là. Et qu'il amrahum illallah tabaraka wa ta'ala. Laisse cette affaire auprès d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le sens, attention, quant au fait d'évoquer mes compagnons, Ashari c'est Sihr, c'est la belle famille, yani. Akhtani, je ne vois pas c'est quoi. Wa qawluhum sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala nadara ila ahli badr. Le hadith, Allah a regardé les gens de Badr, les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Il a dit, faites ce que vous voulez, certes, je vous ai pardonné. Sharh explication. Qawluhu, l'auteur rahimahullah al-Barbahari rahmatullahi alayhi dit, wal kafu an harbi Ali wa Muawiya wa Aisha wa Talha wa Zubair rahmatullah aw rahimahumullah ajma'in. Hada aslun azim. Le fait de ne pas parler sur les compagnons, sur les guerres qu'il y a eu entre eux, ceci est une base importante chez Ahl-Sunnah. Wa huwa annahu yajibu 'ala al-muslim fi haqqi sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min al-muhajirin wal ansar alladhina azaru ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hamawhu wa jahadu ma'ah wa badalu amwalahum wa anfusahum wa taraku diyarahum wa awtanahum. Donc c'est ainsi qu'il faut agir envers les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Muhajirin soit-il ou bien ansar. Les deux catégories. Ceux qui ont azaru, al-mu'azara, c'est le mu'awana. C'est le soutien, ceux qui ont soutenu le messager, qui ont aidé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Hamauhu, c'est-à-dire qu'ils l'ont protégé, ils l'ont défendu. De là vient al-muhamat, al-muhami, c'est l'avocat, il défend son client. Hamauhu, ils l'ont défendu, ils l'ont protégé. Jahadu ma'ah, ils ont fait le jihad avec lui. Badalu amwalahum wa anfusahum, ils ont dépensé de leurs biens et de leur propre personne, c'est-à-dire de leur temps, de leur corps, ils l'ont soutenu, ils l'ont aidé. Watarakou diyarahum wa awtanahum, ils ont délaissé leur demeure. Ils ont délaissé leur demeure, leur ville, là où ils vivaient. Watabi'u rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi le messager. Falahum min al-fadli ma laysa li ghayrihim. Fahum khayrul qurun. Ils ont une grâce, un mérite qu'il n'y a pas pour autre. Donc ce sont les meilleurs des siècles, des générations. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, comme le messager a dit alayhi salatu wa sallam, خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de mon époque ou de ma génération ou de mon siècle, puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent. فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم. Donc les meilleurs des générations sont celles des compagnons رضي الله عنهم. لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته. Pour ce qu'ils ont œuvré, pour le fait qu'ils sont considérés comme étant des compagnons, des gens qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'ont aidé, qui l'ont soutenu, qui l'ont secouru. Wa nashri dinihi wa tablighihi liman jaa ba'dahum min al-umma. Et ils ont propagé sa religion, ils l'ont transmise à toute personne qui est venue après eux de la nation. Fa hazu ha ala hadha al-fadl. Donc ils ont eu cette grâce là. Al-hawz, c'est ce que tu possèdes. Par exemple, sur ton compte téléphonique, tu as tant et tant de minutes ou tant et tant d'euros, ils vont dire donc ils se sont appropriés ce mérite là, cette grâce là, ce mérite là, ce mérite que les autres personnes qui viennent après n'ont pas. Personne ne peut être compagnon, le messager est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah jalla wa ala athna alayhim. C'est pour cela qu'Allah a fait leurs éloges et il les a agréés. Comme Allah a cité cela dans nombre de versets dans le Coran. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم. سورة 9 verset 117 et 118. Le sens, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires, les Muhajirin, les Mekwa, les Ansar, les Médinois, qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il a accueilli leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et concernant les trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, serrée. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui, puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الصادقين مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le verset suivant, Allah dit, le sens, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il dit, Cheikh, les véridiques, ce sont les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans un autre verset, surat 9, verset 100, un verset clé, les tout premiers croyants parmi les émigrés, les auxiliaires, les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement. Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. La traduction, un beau comportement. On a vu bil-ihsan, c'est bil-itqan, non? Bil-ihsan, bil-itqan. Ihsan, à la base, ça veut dire bon, bonté, droiture. Mais oui, itqan, c'est une bonne traduction. Non, non, moi, je n'aurais pas traduit beau comportement, mais c'est comme ça qu'ils l'ont traduit dans le Coran. C'est quoi la meilleure façon? La meilleure façon, oui. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سورة 48 verset 18. وقال تعالى محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. verset 29 de la sourate 48 إلى آخر سورة الفتح. هذه في الصحابة. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحشر ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سورة 59 verset 6 à 8. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Verset 9 et 10. Ado, c'est des versets, inshallah, ils sont connus. Normalement, tout musulman est censé connaître des versets qui montrent les mérites des compagnons. Il y en a plein dans le Coran. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Voilà comment agissent les musulmans, les gens de la sunna, concernant les messagers, les compagnons du messager صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu'ils disent? أنهم يقولون, comme dans le verset, ils disent ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. C'est-à-dire Allah pardonne-nous ainsi que à nos frères qui nous ont précédés dans l'iman et fait en sorte qu'il n'y ait dans nos cœurs aucune rancœur. Aucune rancœur, aucune rancune pour ceux qui ont cru. Et il dit walghil huwa al-bughd. La rancœur, donc c'est le fait de détester, d'avoir de la haine. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Seigneur, tu es compatissant et miséricordieux. Wa fi sunnah ahadith kathira minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha bunda ahadihim wala nasifa. Hadith fi sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous y dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindra pas une poignée qui a été donnée en sadaqa par un compagnon, ni même la moitié d'une poignée. لو تصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة ولو هو من التابعين تصدق بمثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله لو يتصدق به لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد. Si quelqu'un qui vient après les compagnons, même si c'est parmi les tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus juste après les compagnons, qui n'ont pas rencontré le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui dépense ne serait-ce qu'une poignée, cette personne-là dépense l'équivalent de la montagne de Uhud en or, et qu'il est sincère dans sa dépense, c'est-à-dire qu'il fait ça pour Allah réellement, eh bien, ça n'a pas l'équivalence d'une poignée d'un compagnon qu'il a donné min al-sha'ir, ou min al-tamr, ou nisf al-mud, ou nisf al-mud, nasifahu. C'est même pas la moitié d'une poignée d'orge ou bien de dattes, etc. Jabal, hein? C'est par rapport à... Dahab. يعني يدن سا ان صدقة سنسر بور الله قال ولو هو من التابعين تصدق بمثل وعدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله الذهب الخالص نعم de toute façon لوجه الله ça montre l'ikhlas derrière نعم فقال جبل من الذهب من غير الصحابة لا يعادل المدة منهم لماذا لفضلهم رضي الله عنهم. Une montagne d'or d'un non-compagnon n'a même pas l'équivalence d'une poignée ou d'une demi-poignée d'un compagnon. Pourquoi? À cause du mérite qu'ils ont. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi la position du musulman envers les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les respecter, le fait d'implorer l'agrément d'Allah pour eux, radiyallahu anhum, wa l'iqtida'u bihim, les prendre comme exemple, comme guide, ittiba'uhum, les suivre, addifa'u an a'radihim, c'est-à-dire le fait de protéger leur honneur et de les défendre. C'est ça que la position du musulman, quelqu'un qui s'attribue à la sunna et qui la respecte, des compagnons du messager. وحبهم من حب الرسول. Le fait de les aimer, ça fait partie du fait d'aimer le messager. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحابه. Celui qui aime le messager, qu'il aime ses compagnons. ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui déteste les compagnons, il déteste le messager. قال من أحبهم فبحبي أحبهم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui les aime, c'est à travers l'amour qu'il a envers moi qu'il les a aimés. وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة فأفراد الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون. Donc il dit, concernant ce qu'a cité l'auteur par rapport à ce qui s'est passé entre les compagnons, le fait de ne pas parler sur ce qui s'est passé entre eux, comme différentes guerres qu'il y a eu, الصفين ou bien الجمل ou autre, فأفراد الصحابة, les compagnons, أفراد, c'est-à-dire un compagnon, un autre compagnon, etc., ce sont des êtres humains qui font des erreurs. لكن كانت نياتهم خالصة. Leurs intentions, elles étaient saines. ومقاصدهم طيبة. وأهدافهم حميدة. Ils avaient des buts qui étaient bons et louables. لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان. Celui qui a un petit atome de foi, un petit atome de iman, il n'a pas de doute à ce sujet-là. ولا يتهم أحدا منهم. Il n'accuse aucun d'entre eux d'avoir une mauvaise intention ou d'avoir voulu faire quelque chose d'eux. De blâmable. لكن لما جرت الفتنة والفتنة ليس لأحد فيها حيلة. Mais il dit quand la discorde elle a commencé à prendre de l'ampleur et يعني الفتنة ليس لأحد فيها حيلة, c'est-à-dire que la discorde quand elle se propage, elle est difficilement retenable. Hein? نسأل الله العافية من الفتن. لما جرت في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام. Lorsque la discorde a commencé à prendre de l'ampleur à cause du juif Abdullah ibn Saba qui faisait apparaître comme quoi c'était un musulman, ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه يطعن فيه. Puis il s'est mis à parler mal sur le compagnon, le calife, le successeur du prophète صلى الله عليه وسلم, عثمان ibn Affan رضي الله عنه ويجتمع عليه الغوغاء من الناس. Et que les gens, الغوغاء à la base c'est Ibn Manzoor, il dit dans Lisan al-Arab, il dit le ghawgha, huwa dubabun la huwa ba'oud. Huwa ba'oudun la yaqrasu wa la yu'zi. C'est-à-dire c'est un moustique qui quand qui ne fait glou, ne mord pas. Il ne pique pas et qu'il ne fait pas de mal. À la base, le ghawgha, c'est ça. Mais le ghawgha yutlaq, Ibn Manzoor rahimahullah, il dit ça dans Lisan al-Arab, yutlaqu al-ghawgha 'ala safalati an-nas. C'est un mot qu'on utilise pour des gens vils, des gens faibles d'esprit, des gens bêtes. Donc ici, quand il dit « J'tamu alayhi l'ghawra minan nas », donc c'est des gens faibles d'esprit, des gens bêtes, qui se sont mis autour de cette personne-là, ce juif-là. « Alayhi minallah ma yistahiq »« Walladhina yuhibbouna al-shar »« Wuhibbouna al-fawda »« Wala yakhlu zamanun min amthali ha'oula » Il dit des gens qui veulent le mal, qui veulent le désordre, qui aiment le mal, qui aiment le désordre. Et dans aucune époque, on est épargné de ce type de personnes. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des munafiqin. Il y avait des hypocrites. Donc, il n'y a pas une époque qui est déchue de personnes comme ça, des gens qui veulent causer la discorde, répandre le mal. Annas law wajadu man yaquduhum ila ash-shar lajtama'u alayhi illa man rahim Allah. Si les gens trouvaient quelqu'un qui les conduisait justement vers la débauche et vers le mal, eh bien, ils se mettraient derrière lui, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Li'annahum yuhibbun al-ghawra wash-sharab wat-tashwish, car ils aiment donc al-ghawra, ils aiment ce type de personnes, ce type d'idéologie, ash-sharab. Al-Sharab, c'est des gens qui allument la fitna. Al-Sharab, c'est des gens de discorde, des gens qui propagent la discorde. Teshwish, teshwish, vous savez c'est quoi? Des gens qui font des manigances, on va dire. Yuhibbun al-kalam fi wulat al-umur. Ils aiment quand on parle mal sur les autorités. Yuhibbun ifsad al-amr wa tafriq al-kalima. Ils aiment provoquer la discorde, provoquer la corruption. Ils aiment diviser les gens, diviser la parole. Les gens, ils sont d'accord, derrière leurs autorités, derrière leurs ulama et tout ça. Et eux, ils veulent diviser les gens. Yujadu hadha fi nas. Il y a des gens qui sont comme ça. Fa'idha wajadu man yad'u ila hadha, ijtama'u alayh. Fa'idha wajadu man yad'u ila hadha, ijtama'u alayh. Donc quand ils voient quelqu'un qui justement élève cet étendard-là, ils se mettent derrière lui et ils l'aident. Fa'ijtama'a ala hadha al-khabith man ijtama'. Donc il y a des gens qui se sont mis derrière cette personne-là. Yahudi hadha. Wa kana al-muslimuna ummatan wahidatan tahta khalifatin wahid. Les musulmans étaient une seule nation derrière leur guide Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Fa'athara alayhim hadha al-khabith. Donc Ibn Saba hadha, il a fait effet sur eux avec son prêche. Wa intaha al-amru bi qatl Uthman radiyallahu anhu khalifati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa amir al-mu'minin. Donc ça a provoqué quoi? Ça a provoqué l'assassinat de Uthman, le khalife hein, du messager sallallahu alayhi wa sallam et le prince des croyants. Ça s'est passé en quelle année? 36. L'an? Non, 32. 35. 35. L'an 35, à la fin de l'année 35. Il est où? Au milieu. وثالث الخلفاء الراشدين فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة بين المسلمين. Quand ils ont tué Uthman, la fitna s'est déclenchée. Indala'at, ça veut dire se déclencher. Ça y est, khalas, les choses elles ont commencé à prendre de l'ampleur réellement. Wa ghara al-muslimun li qatl Uthman min baynahum. Donc, les musulmans, notamment les compagnons, ils ont une envie de se venger de l'assassinat de Uthman. Wa aradu al-intiqam mimman qatalahu. Ils ont voulu l'intiqam, le qisas. Ils ont voulu se venger de ceux qui ont tué Uthman. فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان وخرجوا من المدينة. Donc, de là, il y a eu l'événement de Al-Jamal. Donc, on va voir c'est quoi, qui a duré un jour seulement, entre les compagnons qui voulaient le qisas, qui voulaient le talion, c'est-à-dire Uthman a été tué, donc il faut tuer cette personne. وخرجوا من المدينة. Ils sont sortis de Médine. Uthman, il a été tué à Médine. Uthman, madfoun fi al-Baqi'. Il est enterré dans le Baqi', à côté de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qal, yuridun al-qisas min qatalati Uthman. Kharajum min al-Madina wa kant al-bay'a li-amir al-mu'minin. Ali ibn Abi Talib, ba'da Uthman, radiyallahu anhum jami'an. Donc, al-bay'a, le pacte d'allégeance, le nouveau prince des croyants, c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, après Uthman. À la fin de l'an 35, au début de l'an 36. كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين. L'allégeance a été faite à Ali, radiyallahu anhu, quatrième calife. فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء. Ils ont demandé à Ali d'appliquer, comme c'est lui qui a le hukm, c'est lui qui dirige les choses, d'appliquer le qisas, de trouver ces personnes-là et de tuer ces personnes-là qui ont tué Uthman. وتفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة. Ils ont discuté entre eux, ces compagnons-là qui sont sortis de Médine. ومعهم أم المؤمنين عائشة تفاوضوا مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة. Donc, ceux qui sont partis de Médine, il y avait Aïcha radiallahu anha avec eux, et ils ont demandé à Ali d'appliquer le qisas, talion, sur ces personnes-là qui ont tué Uthman. ولكن علي radiallahu anhu لم يتمكن من تسليمهم. Ali radiallahu anhu n'a pas pu répondre à leur demande. لأنهم تسللوا في جيشه. Car ce sont des personnes qui se sont infiltrées dans son armée. وجعلوا يعملون الفتنة. Les gens qui propageaient la discorde. وقد بات علي رضي الله عنه وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين. Donc ils ont passé cette nuit-là où ils se sont rencontrés à discuter, à trouver un arrangement. Ceux qui sont venus de Médine et علي رضي الله عنه. فلما حس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف القتال هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب. Quand ils ont vu que les choses étaient en train de reprendre le calme, etc., ils ont rallumé la fitna, ils l'ont de nouveau attisé. وَأَظْهَرُوا الْحَرْبِ. Ils ont fait apparaître qu'il y avait combat et guerre. تَنَاوَشُوا وَصَاحُوا فِي الْجَيْشِ. Donc ils ont commencé à... مُنَاوَشَا, c'est l'accrochage, l'altercation. Il commençait à y avoir des accrochages, des altercations. وَصَاحُوا فِي الْجَيْشِ وَظَنَّ الصَّحَابَةُ وَأَنَّ الْحَرْبَ قَامَتْ. Ça, ça s'est passé de nuit. Donc les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, il n'y a pas eu de sulh. En fait, il y a eu une guerre. Et c'est là que la guerre, elle a commencé. Hein? Ils ont crié. Sahou filjish, dans le sens que commence à avoir des altercations, des cris, etc. Les choses, elles ont commencé à faire haraka, yani. وظن الصحابة أن الحرب قامت فدارت المعركة في واقعة الجمل من غير قصد من الصحابة. Donc c'est l'événement qu'on appelle al-jamal, sans qu'il y avait une intention quelconque de la part des compagnons de faire une guerre. وإنما الذي أذكاها هما أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. Celui qui a أذكاها, يعني celui qui l'a attisé, qui l'a allumé, ce sont ceux qui ont tué Uthman. وقتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة. Il y a nombre de compagnons qui sont morts pendant cet événement-là. وفي هذه الواقعة وانتهت ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان القصاص منهم. Ensuite, معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان, qui était dans les pays du Proche-Orient, il a également demandé à ce que, l'information lui est parvenue que Uthman a été assassiné, etc. Il a demandé à ce que est-ce qu'on applique le talion. ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية. Donc là il y a eu le deuxième événement qui est la guerre entre Ali et معاوية. وسببها هؤلاء الغواة الضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. La cause c'est quoi? C'est الغواة. الغواة من الغواية. الغواية يعني الضلال. Rouat, Al-Ghawi, Waddal, c'est pareil, les égarés, les perdus, ils ont allumé la fitna entre les musulmans. وَانْتَهَا الْأَمْرُ بِقَتْلِ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتَلَتْ الْخَوَارِجِ قَتَلَهُ الْخَوَارِجِ. Ce qui a engendré en l'an 40, fi Ramadan, à la khilaf bayna ahli al-ilm, quand est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était le 19 Ramadan, ou bien le 17, ou bien une autre date? مُهِمْ فِي آخِرِ الشَّهْرِ قُتِلَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ a été assassiné par... Vous savez comment il s'appelle Qatil Ali? Ma'rouf. Qatil Ali s'appelle Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi, celui qui veut l'écrire. Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi, c'est lui qui a tué Ali radiyallahu anhu, alors qu'il se dirigeait à la mosquée en fil Irak, fil Basra, fil Madkur. Il allait prier salat al-fajr. Al-Mu'ali. Al-Muradi, Al-Muradi. Naam. Allahu a'lam, il s'appelle Hakka. Abdurrahman ibn Muljam, Al-Muradi. Il a tué Ali radiallahu anhu. Qatalahu al-Khawarij. Alladhina kharaju ala Uthman. Alladhina kharaju ala Uthman. Donc ceux qui se sont rebellés sur Uthman, ils se sont rebellés sur Ali. Wa alhaqu aliyan bihi wa qataluh. Ils ont tué Ali radiyallahu anhu. Laysa qasduhum al-adl wal insaf, bal qasduhum al-hiqd wal intiqam. Par justice et droiture, mais parce qu'ils avaient de la rancœur et ils voulaient le tuer, se venger. Wa aradu qatl Muawiya wa Amr ibn al-As wa Ali ibn Abi Talib, lakin Allah najja Muawiya wa Amr ibn al-As wa nafadha qadaru Allah fi Ali radiyallahu anhu fastushhida radiyallahu anhu. Ils avaient programmé le même matin, imadkur, de tuer les trois, Amr ibn al-As, Muawiya ibn Abi Sufyan et Ali radiyallahu anhu. Les Muawiya et Amr, ils les ont pas eu. Il y a longtemps, j'ai lu un passage là-dessus. Je ne veux pas vous le répéter pourquoi yani, ils ont raté Muawiya et Amr ibn al-As. Al-Muhim, Ali radiyallahu anhu, ils l'ont, Abdurrahman ibn Muljam, il l'a tué, donc il est mort, shahid, Ali radiyallahu ta'ala anhu. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وألا يدخل فيها. Donc le musulman, ce sujet-là, il ne doit pas rentrer dedans. وألا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne doit pas en parler si ce n'est de trouver des excuses pour les compagnons et de demander pardon en leur faveur. ويعرفها أنهم مجتهدون, sachant qu'ils étaient, ils ont fait un effort chacun. منهم من أصاب الحق فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجرون. Celui qui a raison, il a deux récompenses. Celui qui a tort, il a une récompense. وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ. Ils ont des mérites, des grands mérites, qui couvrent ce qu'il y a, qui couvrent ce qu'il peut y avoir comme erreur qui s'est produite. لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Car ce sont des compagnons du messager. Wa kama fil hadith anna Allah subhanahu wa ta'ala tala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Comme dans le hadith, Allah a regardé les gens de Badr et il leur a dit: faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. Fa hum maghfurun lahum ala kulli hal. Donc Allah il leur a pardonné. Al maghfiratu lahum hasila liman asaba wa man akhta minhum. Le pardon il est pour celui qui est juste et celui qui a tort parmi eux. Lian alladhi akhta minhum laysa an qasd. Celui qui a eu tort, c'est pas intentionnellement qu'il avait tort, mais c'est par ijtihad. Combien il y avait de compagnons à la bataille de Badr? 700. Non. Les ulama disent 310 et quelques. 310 comme al-rusul. Ils disent il y a eu 124 000 prophètes, al-rusul minhum 310 et quelques. Donc il n'y a pas beaucoup de compagnons à la bataille de Badr. Mais c'est quand il dit on rentre pas dans ça, c'est-à-dire on prend pas parti. On prend pas parti, on parle pas de ça. Si ce n'est la clarification. L'ulama dit tu parles pas de ça, tu rentres pas. L'imam Ahmed il a été interrogé sur ça. Il a dit tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ça c'est versé dans sourate al-Baqara. Tu vois, voilà une nation qui est passée avant vous, elle a fait ce qu'elle a fait et vous avez fait ce que vous avez fait. Elle a acquis ce qu'elle a acquis, vous avez acquis ce que vous avez acquis et vous ne serez pas interrogé sur ce qu'ils ont fait. Yani ne rentre pas du tout là-dedans. Ahl al-ilm yaqulun illa fi halat al-bayan. Si tu as besoin de clarifier aux gens, pourquoi? Parce qu'ils disent surtout ammat an-nas juhal. Ils vont entendre hada qatala hada ou hada daraba hada. Hada il a fait couler le sang, il y avait le hukm ou le tahakum comme ils font rafida et tout ça. Ils bordent les sahaba. Combien de gens ils étaient normaux quand ils ont entendu Muawiya il a fait ça, ça, ça. Ils se bouffaient. Alors que Ahl al-Sunna, qulubuhum salima. Leur cœur ils sont déchus d'une quelconque haine envers un compagnon, qui que ce soit. Celui qui a eu tort ou bien ceux qui entendent qissa de Hatib. Quand il a Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, quand il a informé les Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il allait venir les combattre au Kada. Ils entendent ça, ils bardo. Ils se battent au Kada, tu vois. Donc ils disent faut pas rentrer dans cela. Bad al-ulama, ils ont expliqué, min bab al-bayan, kitab que je vous avais ramené la dernière fois de Cheikh Othman Khamis, faqahullah, il parle de ça, ala wajh al-bayan, en clarification, il trouve des excuses aux compagnons, etc., et clarifie les choses. Amma, Cheikh, il va en parler après, en faisant allusion à la cassette de Tariq Sweden, le Koweïtien, en disant, certains ignorants, on va y arriver juste là, sur des gens qui propagent sa haine. فهم مغفور لهم على كل حال مغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم لأن الذي أخطأ منهم ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد on s'arrête là فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا donc il dit ne faut pas rentrer dans ce domaine ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويستغفر لهم toi ta fonction c'est pas dire un tel il a tort un tel il a raison ta fonction c'est de leur trouver des excuses et de leur demander pardon pardon de demander pardon en leur faveur ويترحم عليهم et miséricorde en leur faveur فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ta fonction c'est quoi ceux qui sont venus après يعني après les compagnons nous on fait partie d'eux ils disent Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans l'iman les savants disent les premiers qui rentrent dans ce verset là ce sont les sahabas Les premiers qui nous ont précédés dans l'iman, ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hum sahaba, ce sont les compagnons. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Il fait en sorte qu'on n'a pas de rancœur dans nos cœurs envers ceux qui ont cru. Seigneur, tu es pardonneur, tu es compatissant et miséricordieux. Wa qad dhaharat ashrata min ba'd al-juhal. Sajjala fiha hadhihi al-umur. Il dit donc, Cheikh Fawzan, faqahullah, il dit il y a des cassettes qui sont apparues de certains ignorants qui ont enregistré justement ces choses-là. Ils ont enregistré le qisas. Les récits de ce qui s'est passé entre les compagnons. وَمَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ Et ce qui s'est passé entre les compagnons. وَأَخْرَجَهَا بِإِشْرِطَةِ يَتَدَاوَلُهَا النَّاسِ Donc des cassettes que les gens s'échangent et écoutent. فَهَذَا لَا يَخْلُو Celui-là, il est une de deux catégories. إِمَّا أَنَّهُ جَاهِلٌ وَلَمْ يَدْرُسَ الْعَقِيدَةِ Soit c'est un ignorant qui n'a pas étudié l'aqidah. وَإِمَّا أَنَّهُ مُغْرِضٌ يُرِيدُ أَنْ يَبُثَّ الْبُغْضَ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ou alors c'est quelqu'un, c'est-à-dire soit c'est un ignorant. Il a sous-fahm, c'est quelqu'un qui n'a pas la compréhension parce qu'il n'a pas étudié l'aqidah, donc il a fait ça par ignorance. Soit c'est sous-qasd, soit c'est quelqu'un qui a une mauvaise intention et qui veut propager le dégoût et la haine envers les compagnons. Et celui qui est connu à notre époque qui a fait ça, c'est Tariq Sweden. Tariq Sweden, le prêcheur là, le koweïtien qui est diplômé dans Ulum al-Dunya et qui s'est mis à parler de ça. Les ulama, minhum Cheikh Abdelaziz Ben Baz, le Cheikh Mohamed Ibn Uthaymeen et d'autres, ils ont interdit que ces cassettes se propagent. Et ils ont dit qu'il faut détruire ces cassettes-là et il ne faut, faut pas les propager. Comme il dit Cheikh ici. وَمَا جَرَى بِنَا أَخْرَجَهَا بِأَشْرِطَةِ يَتَدَوَّلُهَا النَّاسِ مُغْرِضُونَ Des gens qui veulent... non, ça c'est مُعْرِض avec un عين. مُغْرِض, comment dire C'est-à-dire, يلخصها جاهل سوء فهم ومغرض سوء قصد. C'est quelqu'un, il a déjà une mauvaise intention, tu vois. Il n'a pas fait ça par ignorance. Il sait, يعني كذا. ومعروف, Tariq Sweden, il disait aux Rafida, كان يدعو إلى المقاربة مع الرافضة. Il disait aux gens, il faut se rapprocher de Rafida et tout ça. Il a dit aux Rafida eux-mêmes, il leur a dit, si vous voulez insulter Abu Huraira, faites-le, mais pas devant moi. يعني يقر هذا. Il leur dit, vous pouvez le faire, mais ne le faites pas. Ne le faites pas devant moi. Jamais tu entendras un des ulama al-sunna, il va dire ça. On peut dire déterminé. Déterminé. Inch'Allah, je vais vous ramener un mot. Ça ne me vient pas dans la tête. Il est à propos de Abu Huraira ou Muhammad? Man. Abu Huraira. Tariq Sweden. Les mahfouz, يعني 100% Abu Huraira. Ça se peut qu'il l'a dit sur d'autres sahaba. Même lui, il insulte. Là, il a dit à Rafida, il a dit si vous voulez faire, faites-le, mais pas devant moi. Mais Rafida, il insulte lui aussi. Man. Abu Huraira. Non. Rafida, Tawaif. Rafida, Tawaif. Parmi le Rafida, kalamuhum, igoulou Abu Huraira, c'est un menteur. Parce qu'il s'est converti tard, il s'est converti en an 7. 8, 9, 10, 11. Il est resté à proximité du messager 4 ans. C'est lui qui a rapporté le plus de hadiths. Plus de 5000 hadiths. il a rapporté. Comment Abu Huraira a ramené plus de 5000 hadiths? Abu Bakr wa Umar. Umar il s'est converti en l'an 6 de l'Bi'tha, pas de l'Hijra. Abu Bakr min al-Sabiqin al-Awwalin, c'est parmi les premiers compagnons qui se sont convertis. Uthman, il est rentré dans l'islam aussi parmi les premiers. Ali, c'est le premier jeune qui est rentré dans l'islam. Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des tout premiers qui se sont convertis, etc. Ils n'ont pas autant de hadiths. Tu vois? Ils ont dit, yani, Abu Huraira, c'est un menteur. Al-Rafid al-Umum, il n'y a que Ahl al-Bayt. Ahl al-Bayt, la famille du messager. Ali, Ja'far, le frère de Ali, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hassan, Hussein, et des proches, Abu Dhar. Tu vois, il y a quelques compagnons qu'ils ont épargnés. Sinon, 7 ou bien 10, ou peut-être un peu plus, autres que Ahl al-Bayt. Sinon, tout le reste, pour eux, c'est des kuffars. Tu vois? Non. Les trois qui étaient prévus de tuer, il y a Ali, c'est le khalifa. Mouawiya, c'est comme on peut dire un préfet, mais il avait une région dirigée. Le troisième, c'est Abu Dhar. C'était quoi sa fonction Non, c'est Amr ibn al-As, Allahu a'lam, je sais pas c'est quoi sa fonction, mais je crois aussi qu'il y a la wilaya, avec l'Irak ou le Blas Akhlaf. Donc il dit, فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِطَةِ وَأَمْثَالِهَا. Donc prenez garde de ce type de cassette qui se propage, وَلْيَحْذَرْ مِنْ كَيْدِ الشِّيعَةِ. Attention aux ruses des Shi'a, des Rafida, وَسَبِّهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ. Et leurs insultes envers les compagnons, وَالْتِمَاسِ الْمَعَايِبْ لَهُمْ. Et l'iltimas al-ma'ayib lahum, le fait qu'ils recherchent justement les handicaps, les défauts qu'ils ont. فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمُ مِنْ هَذَا لِئَلَّا يَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Afin qu'il ne soit pas parmi les gens qui sont voués à la perdition. قال المؤلف رحمه الله عادل ما عندكش ترجمة. قال المؤلف رحمة الله عليه وعلم أن وعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. Donc l'auteur rahimahullah dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est interdit de prendre les biens d'un musulman si ce n'est de son bon gré. Ça c'est venu dans un hadith. La yahillu malu mri muslim illa bi tibatin min nafsihi. Même si c'est quelqu'un, wa in kana ma'a rajulin malun haram. Si quelqu'un il a de l'argent qui est haram, faqad daminahu. Il doit s'en porter garant. Ad-daman. La yahillu li ahad an ya'khudha minhu shay'an. Personne n'a le droit de s'approprier de ce bien-là illa bi idhnihi. Sauf si c'est avec son autorisation. فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَتُوبَ هَذَا. Ça se peut que cette personne qui a ce bien qui est haram, il se repent. فَيُرِيدَ أَنْ يَرُدَّهُ. Il veut le rendre à l'arbabihi. Arbabihi jam'u. C'est le pluriel de quoi? C'est le pluriel de Rab. C'est-à-dire ici, ce n'est pas le seigneur, mais c'est le propriétaire. Ça se peut qu'il voudra le rendre au propriétaire de ces biens-là, l'argent haram qu'il a pris. Donc tu te seras approprié quelque chose de haram. Explication. الشرح. قوله اعلم رحمك الله انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه من نفسه من احترام المسلمين احترام دمائهم واموالهم واحترام اعراضهم. Parmi le respect que tu dois avoir envers les musulmans et la sacralisation qu'ils ont, le fait de respecter leur sang, respecter leurs biens et respecter leur honneur. لان من اسلم فقد حمل الاسلام بالاسلام دمه. Celui qui est rentré dans l'islam, il a protégé à travers l'islam son sang. Le fait qu'il soit musulman, son sang devient sacré. وحمى ماله, il a protégé ses biens. وحمى عرضه, et il a protégé son honneur. فلا يجوز التعدي على المسلم. Il est interdit de transgresser sur un musulman. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit tout le musulman tout entier est sacré envers le musulman, aussi bien son sang que ses biens que son honneur. وقال في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يعني يوم النحر في شهركم هذا يعني في شهر ذي الحجة في بلدكم هذا وهي مكة المشرفة. الحديث le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans son fameux sermon qu'il a fait, sermon d'adieu pendant le Arafat, pendant son pèlerinage d'adieu, vos sangs, vos biens, vos honneurs sont sacrés les uns envers les autres. Comme la sacralisation de ce jour, qui était le jour, la veille de Yom al-Nahr, parce que cette khutbah-là, en fait, il l'a répété plusieurs fois. Il n'y a pas eu que la khutbah de Arafah, il y a eu la khutbah de أيضا يوم العيد خطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس أيضا في ميناء إلى également sermonné les gens à Mina etc. في شهركم هذا dans ce mois-là qui est donc le mois de Dhul Hijja qui est un mois sacré في بلدكم هذا dans cette contrée-ci qui est la Mecque فيحرم دم المسلم وماله وعرضه donc le bien le sang et l'honneur sont sacrés du musulman فلا يجوز التعدي على مال المسلم ولا أخذه إلا بطيبة من نفسه من نفس المسلم donc tu peux pas t'approprier des biens d'un musulman si ce n'est de son plein gré et avec son accord إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال s'il t'accorde cela ça devient halal وأما أن يؤخذ منه قهرا par contre le fait de le prendre le قهر c'est le fait de prendre de force أو بغير طيب من نفسه أو غصبا أو سرقة أو خيانة فإنه حرام par contre si tu t'attribues ces biens là pas de son plein gré أو غصبا غصبا c'est la violation irtisab c'est le viol أو سرقة سرقة c'est le سرقة c'est le vol أو خيانة ou par trahison traîtrise tout ça c'est haram كحرمة دمه وعرضه tout comme ses biens et son tout comme son sang et son honneur وهذا كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الله dit dans le Coran sourate 2 verset 188 le sens ne mangez pas les biens des uns des autres d'une manière qui est illicite وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم et il dit également dans un autre verset dans sourate An-Nisa vous les croyants que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement sourate 4 verset 29 كثير من الناس لا يبالي بهذا إما أن يقتل أخاه المسلم ليأخذ ماله وإما أن يأخذ ماله بالسرقة بقطع الطريق بالخيانة بالغش في البيع والشراء فلا يبالي بهذا فيأخذ مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه هذا كله حرام وكبيرة من كبائر الذنوب beaucoup de gens ne font pas attention à ça tue son frère musulman pour prendre ses biens ou alors il lui vole ou alors les brigands là, qui prennent les biens des gens sur les routes ou bien à travers une trahison la traîtrise le fait de tricher dans la vente et l'achat dans le commerce Mouhim il s'attribue les biens de son frère musulman d'une manière qui est illicite et tout ça c'est interdit c'est un grand péché قوله وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه celui qui s'attribue les biens de son frère d'une manière interdite eh bien il est يضمنها c'est-à-dire qu'il doit garantir ces biens-là il doit lui rendre ça devient une obligation pour lui de lui rendre ces biens لأنه لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت il faut rendre les injustices que tu as commises envers les gens avant la mort. وإلا فإن أصحابها سيختصون من المظالم يوم من الظالم يوم القيامة. Sinon, cette personne-là, elle va récupérer son droit, tôt ou tard. يوم القيامة, elle récupérera son droit si tu lui as pas donné ici-bas ou tu lui as pas demandé pardon. يختصون من حسناته. Ils vont prendre de ses hasanat, comme c'est venu dans le hadith al-muflis, la personne qui fait faillite réellement. حتى ربما لا يبقى له حسنة. Ça se peut qu'il ramasse toutes tes hasanat, il ne te reste plus rien. ثم تؤخذ من سيئاته. ثم تؤخذ من سيئات المظلومين. فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله. Donc s'il a plus de hasanat, on va prendre des سيئات des gens, les mettre sur son dos, puis il sera jeté en enfer. فمال المسلم ولو أخذته بغصب أو بمعاملة محرمة أو أخذته بقهر أو بسرقة فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة. Donc il dit, si jamais tu t'es attribué des biens d'un musulman, بغصب, c'est-à-dire à travers une violation ou bien une triche ou bien tu l'as pris de force ou bien à travers un vol, فإنه مضمون. Ça reste ça reste une dette dont tu lui es redevable. Tu dois lui rendre, soit ici-bas, soit dans la vie dernière. فتنبه لذلك هو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة. Tu le payeras tôt ou tard. وأداؤه في الدنيا أسهل عليك من أدائه في الآخرة. يعني lui rendre ici bas, c'est plus facile pour toi que lui rendre dans l'au-delà. قوله فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. فلا يجوز أخذك شيئا تعلم بأنه حرام. Tu n'as pas le droit de t'approprier quelque chose, tu sais que c'est interdit. Ou min maksab haram, l'omour. Ou bien c'est un gain qui a été acquis d'une manière haram, pour plusieurs raisons. اولا, premièrement, أنك تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأنت تعلم أنه حرام وأن هذا الشخص لا يملكه. Tu t'attribues quelque chose, tu sais que c'est interdit et toi tu veux te l'approprier ou te le rendre halal tout en sachant que ceci est haram. Donc ceci et tu sais très bien que cette personne-là ne possède pas. Car l'almal al-haram, même si la personne elle le possède, les ulama ils disent que c'est pas son milk, c'est pas sa possession, c'est pas sa propriété, c'est à quelqu'un d'autre, il l'a pris d'une manière illicite. ثانيا لو تاب هذا الظالم واراد ان يرد المال وقد اخذته منه فانه لا يتمكن من رده. Donc il dit, si jamais cette personne-là qui a été injuste, qui s'est approprié des biens qui sont haram d'une manière injuste, et il veut se repentir et il veut rendre les biens à son propriétaire, il ne pourra pas les rendre. Pourquoi? Car tu te les as appropriés. ثالثا انك تكون شريكا له في الجريمة والظلم. Troisièmement, tu seras associé à lui dans le péché qu'il a commis et l'injustice dont il a été l'auteur. Pour le kafir, comment ça se passe? Le kafir, aïdan, les ulama, ils citent la sacralisation du musulman, mais les savants ils disent que le kafir c'est pareil, sauf al-harbi. Quand il y a une guerre entre le kuffar et le muslimin, al-harbi, tu peux t'attribuer ses biens. Tu peux t'attribuer ses biens, tu peux le tuer, etc. C'est une guerre. Amma al-mu'ahad, wal-dhimmi, wal-mustaman. Ces gens-là, tu n'as pas le droit de transgresser sur leurs biens ou sur leur personne ou de leur faire du mal. C'est pareil. Il y a des sawar, il y a certaines images où tu te dis comment il va prendre puisque le kafir n'a pas de hasanat, etc. En tout cas, ce qu'ils affirment les savants, c'est que chacun il prendra son droit. Chaque personne, elle prendra son droit. Concernant les croyances, et après être passé du serat, les croyants, les uns vers les autres, avant la qintara, avant la passerelle, ils vont se qisas, ils vont yani yurtasu min ba'dihim li ba'd, chacun va récupérer le madalim et tout ça. Amma al kuffar avant, puisque le kuffar la yujawizuna as-sirat, celui qui passe le sirat, comme ils ont dit ahl al-'ilm fi sharh al-wasatiyya wa ghayriha, celui qui passe le sirat fa huwa min ahli al-janna. Donc les madalim elles vont être rendues. Nabi sallam il a dit l'injustice se transformera en ténèbres le jour de la résurrection. Y compris avec les animaux, par exemple. Même les animaux, ils vont se dans le verset à la fin de surat Naba, wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Dans un des tafsirs qu'ils ont donné les ulama, c'est qu'ils vont voir les animaux justement, un chat. C'est-à-dire la bête qui a des cornes, elle va faire ses comptes avec la bête qui n'a pas de qarna, celle qui a des cornes, elle jalha, celle qui n'a pas de cornes. Ils vont rendre les injustices. Il kafir, quand il va voir ça, il va dire ya laytani kuntu turaba, parce qu'après ils deviennent poussière les animaux. Il va dire si je n'étais que poussière. Yani, pareil, moi je rends les injustices et je deviens poussière, je vais pas en enfer. Allahu a'lam. Dans le dernier verset dans Surat An-Naba, tel qu'à tafsir hada. Combien de temps ça fait là? Waslo, vous êtes dans une heure. Hein? Deux, trois cadres. Hein? Deux, trois cadres. Pas de questions là-dessus? Est-ce que là? C'est des points, il y a des sunnah qui sont connus, qui sont propagés, qui sont répandus dans tous les livres de Aqidah, vous les trouvez. Kafu anis sahaba, taraddi anis sahaba. Là, c'est une mas'ala un petit peu. Hein? Moins évoqué là ce qu'on vient de voir à l'instant, sinon c'est des sujets qui se répètent. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق الا ما ظهر فساده وان كان فاسدا ياخذ من الفساد ممسكه نفسه ولا تقول اترك المكاسب واخذ ما اعطوني. لم يفعل هذا الصحابه ولا العلماء الى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. Là, les premières phrases, elles sont un peu équivoques. On va les voir dans le charh, inshallah, directement. Le charh explique à son cheikh, il dit, والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق. قال صلى الله عليه وسلم, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا حديث النعمان في الصحيحين حديث 4 dans حديث 4 non 3 dans الأربعين النووية au début le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن الحلال بين الحلال éclair et le حرام éclair. Et entre ces deux étapes, il y a des choses qui sont équivoques, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui prend ses précautions quant aux choses équivoques et n'y s'en approche pas, il a mis à l'abri sa religion et son honneur. فالحلال البين يؤخذ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام. Donc il dit, الحلال البين, ce qui est halal et qui est clair que c'est halal, tu le prends. Car à la base, dans les transactions, dans les différentes relations que les gens ils ont les uns avec les autres, c'est al-hil. À la base, tout est halal. Illa ma tabayyana annahu haram. Sauf les choses qui ont été clarifiées dans la religion qui sont haram. Kadhalik al-haram al-bayyin. Également dans al-haram qui est clair. Qala ta'ala hurrimat alaykum al-maytatu wa-d-damu wa-lahmu al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allahi bih. Allah dit dans le Coran, surat numéro 5, verset numéro 3, vous sont, le sens, vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a évoqué un autre nom que celui d'Allah. Non. La bête étouffée, la bête, etc. Donc ce sur quoi un autre nom que celui d'Allah a été évoqué. Ohilla, ça peut avoir plusieurs sens, mais ici ils ont traduit par Ohilla li ghayrillahi bih. Pour ce sur quoi un autre, on a évoqué un autre nom que celui d'Allah. Je regarde dans un autre verset. C'est sur quoi on a évoqué un autre nom qu'Allah. Pareil. Ala kullin idi wa kadhalika al-maysaru kadhalika al-maysiru wal-qimar wal-khamr. Hada haram bi nass al-Quran. Également les jeux de hasard, il y a un petit farq bayn al-qimar wal-maysir, je l'ai noté dans un cahier mais je me rappelle plus. Wal-khamr, l'alcool, tout ça c'est interdit bi nass al-Quran. Il y a des versets dans le Coran qui montre clairement l'interdiction, comme dans Surat Al-Ma'ida, verset 90 et 91. وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ السَّرِقَةِ تَحْرِيمُ السَّرِقَةِ également l'interdiction du vol, dans Surat Al-Ma'ida, aydan, au début. وَالْغَصْبُ وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ هَذَا حَرَامٌ بَيِّنٌ أَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, on a le verset dans le Baqara qu'on a cité avant, le verset dans Al-Nisa. وَالْمُشْتَبِهِ الَّذِي لَا يُدْرَى هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فِيهِ. Il y a des choses qui sont équivoques. On ne sait pas si c'est halal ou si c'est haram. Mais c'est équivoque à cause des différentes preuves qui sont ramenées à son sujet. Ces choses-là, on s'arrête. Et on ne s'adonne ni à l'interdiction ni au caractère licite jusqu'à ce qu'on clarifie cette chose-là. On demande aux ulama. Voici la règle qu'a posée le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est une règle claire. وهذا معنى قول المؤلف هنا إلا ما ظهر فساده. C'est ça le sens des paroles de l'auteur quand il dit sauf quelque chose qui est clairement mauvais, interdit, etc. Tu le délaisses. قوله إن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه. Si cette chose-là elle est mauvaise, elle est interdite, tu peux la prendre juste pour faire en sorte que tu ne meurs pas. ممسكة نفسه حتى تقيم نفسك حتى تسد الرمق. Juste pour ne pas que tu meurs. هذه مسألة الضرورة, c'est ce qu'on appelle la nécessité. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته ولو كان مما لغيره. Donc, si quelqu'un il a peur le halak, c'est la mort. Le halak, c'est pas que tu sois blessé ou là. إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك si la personne a la peur de la perdition, la peur de la mort. Dans la science de l'héritage, ils disent halaka halikun an kada wa kada. Une personne est morte et elle avait par exemple deux femmes et quatre garçons et six filles. Comment est-ce qu'on يعني الشاهد انهم disent halaka halik. Donc al halak illam ya'kul fa innahu ya'kul mimma 'indahu ma yubqi 'alayhi hayatahu. Il peut manger même si c'est des biens d'autrui, même si c'est quelque chose de haram, il peut manger juste pour ne pas qu'il meure. Voilà ou kana min mali ghayrihi, voilà ou kana hadha al mal haraman, même si c'est quelque chose de haram, law kana maytatan aw ghayra dhalik, même si c'est une bête morte qui à la base elle est interdite. Ya'kulu minhu li ajli ad-darura, il s'attribue, il s'adonne à ça, il mange de cela ou boit de cela ou utilise cela car il est dans un cas de nécessité. Li alla yamut, pour ne pas mourir. Qala ta'ala innama harrama 'alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Verset dans le Baqara 173, sourate 2. Le sang, certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom, ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. La semaine prochaine, inchallah, je vous ramènerai Shurut al-Darura, qui est un point très important sur Sa'd Shaykh Fakhrullah. Il l'a cité dans Manzuma de Sheikh Abdurrahman Sa'di, dans Qawa'id Fiqhiyya. Car les gens, ils utilisent al-Darura à tort et à travers. Pour eux, tout est Darura. Maintenant, le Sheikh, fi Ramadan, il a parlé sur quelqu'un qui a soif, en état de soif, et qui va mourir. Il dit, tu as de l'alcool, il dit, tu n'as pas le droit d'en boire. Pourquoi? Parce que ça ne va que ta soif et encore plus. Il dit, tu as le droit de boire d'alcool si tu es en train de suffoquer, par exemple. Tu as quelque chose qui est resté bloqué ou la haja, et des fois, en suffoquant, tu peux mourir. Il dit, tu as que de l'alcool à ta portée de main, tu peux boire de l'alcool pour faire passer cette chose-là. Mais quelqu'un qui a soif et il dit, je veux boire de l'alcool. L'alcool, ça ne va que rajouter soif sur soif. Même je vous ramènerai, inchallah, shurut ad-darura. Donc il dit, فَتَأْخُذْ مِنَ الْحَرَامِ قَدْرَ مَا يُمْسِكُ عَلَيْكَ حَيَاتَكَ. Tu prends de cette chose qui est haram juste de quoi rester en vie. ثُمَّ تُمْسِكْ عَنِ الْبَاقِي. Ensuite, tu t'abstiens de plus que cela. وَقَالَ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Dans sourate Al-An'am. Il a dit, certes, il vous a expliqué en détail ce qu'il vous a interdit. Dans nombre de versets, le verset Hada que vous avez entendu, Hurrimat alaykum kada wa kada, il est dans plusieurs passages du Coran. Il vous a interdit, il a expliqué en détail ce qu'il vous a interdit, sauf quand vous êtes en cas d'extrême nécessité. Fala haram ma'a darura. Donc, il n'y a pas de haram, il n'y a pas d'interdiction si la personne elle est dans un cas de nécessité. Et c'est ce que Ammat al-Nas dit justement. Ils disent les darurati ahkam, quand il y a un cas de nécessité, il y a des lois bien précises. La hurmata ma'a darura, quand il y a un cas de nécessité, les choses haram perdent leur caractère haram. C'est une règle juste, mais ils l'utilisent à tort et à travers. Notamment ceux qui font riba, etc. Qawluhu, wa la taqulu, atrukul makasib, wa akhudhu ma a'tawni. بعض الناس يقول أنا متوكل على الله. Il dit, certaines personnes, ils disent, moi je place ma confiance en Allah. وأنا سأجلس للعبادة ولطلب العلم والناس يعطونني. هذا لا يجوز. Il dit, أنا سأجلس. Certains disent, moi je vais là, يعني, je cherche pas le risque, je cherche pas à gagner ma vie, et je vais faire que des adorations, je vais étudier et les gens ils me donnent. الشيخ يقول ceci est interdit. هذا لا يجوز. بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي زوجتك وأولادك ومن في بيتك. Il dit tu dois rechercher comment gagner ta vie. Toi, ce qui te suffit toi et ton épouse et tes enfants et ceux qui sont sous ta tutelle chez toi. عليك أن تطلب الرزق وهذا من العبادة. Il dit tu dois rechercher ta subsistance et ça fait partie de l'adoration. فلا تجلس تتحرى صدقات الناس. Et ne reste pas assis et tu recherches les صدقات des gens. بل عليك أن تطلب الرزق. Mais recherche plutôt la subsistance. قال الله جل وعلا وتزودوا Allah dit dans le Coran, prenez vos provisions et la meilleure des provisions c'est la piété. Surat 2, verset 197. Et donc c'est ce qu'utilise Ammat al-Nas. Ils disent tu vas travailler, c'est une ibada ou kada. Mais de l'autre côté, il y a salawat et il y a umur kathira. Beaucoup d'obligations, il les délaisse. Et il dit talabur rizq ibada, c'est une adoration. Et il te raconte une histoire, tu as deux compagnons. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est authentique ou là, là, là. Un qui était tout le temps dans l'adoration, un autre qui allait chercher le risque. T'as vu, ça allait. Et ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui est le risque, il est mieux que celui qui fait l'ibadat. Alors que les ulama, ils disent, il faut faire les deux. Talab al-rizq, tu as une intention de nourrir tes proches, de nourrir ceux qui sont sous ta tutelle. Anta fi ibada. Même dans le verset dans Sourate An-Nur, fi buyutin adina Allah an turfa wa yudkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Le cheikh Salah Al-Fawzan sur ce verset là il dit, écoutez hein, dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est évoqué, le glorifie en elle matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc le distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat. Il a dit, c'est pas des gens yajlisun fi buyutihim, wa inama yashtaghilun, c'est des gens qui travaillent. Mais quand il y a l'adhan, il va faire la salat. Quand il y a l'adhan, il va faire la salat. Huwa la personne des personnes adu ammat an-nas hadahum Allah, ils ont retenu quoi? Juste que tu dois travailler, que tu dois tabni dar et tout ça. Mais quand c'est le moment de salat, là, il te sort quoi? L'autre règle, darura. Rak fi hal darura, rak fi hal kada. Chaque chose, faut la mettre à sa place. Ni le négoce, ni le troc ne les distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoute un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. Qawluhu, il dit l'auteur, rahmatullahi alayh, lam yaf'al hadha as-sahabatu wala al-ulama'u ila zamanina hadha. Les compagnons et les ulama n'ont pas fait cela. N'ont pas fait cela. C'est-à-dire, ils disent ajlisana fil bayt et je prends le sadaqat des gens. Il a akhir. Hatta ankara al-ulama, les savants, ils ont blâmé les gens qui prennent les aides, notamment dans les pays de Kufr et tout ça, et qui ne cherchent pas à travailler, gagner leur vie d'eux-mêmes. Cheikh al-Albani, rahimahullah, il a été interrogé, il a dit le hadith, al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi sufla. La main qui est en haut, elle est mieux que la main qui est en bas. Celui qui donne, il est mieux que celui qui reçoit. Donc il ne faut pas avoir ad-dana'a hadi de prendre musa'adat de dawla. Hein. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Un frère qui était au Saoudi à Zaman, il a demandé à Cheikh Ibn Sabbat, Moussa'adat min al-Dawla, il a dit Yajouz. Si vous ne trouvez pas de travail et tout ça, Yatoukoum Moussa'adat, Alhamdulillah. Khayrun saqahu Allah ilaykoum, c'est un bien qu'Allah vous a attribué. Mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Le musulman, il est aziz, il est fier et il ne se repose pas yani, sur l'ata de al-Kuffar. Kuffar ou même le musulman. Donc il dit Lam yaf'al hadha al-fi'la, wa huwa al-julous. عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس و نعم عن طلب الرزق والنظر إلى ما بأيدي الناس أحد من أصحاب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les compagnons n'ont pas fait ça. يعني ne recherchant pas la subsistance mais regardant ce qu'il y a dans la main des gens et voulant se l'approprier. وهم أتقى الناس بل أعبد الناس لله عز وجل. Ce sont les meilleurs des gens et les plus adorateurs des gens. Balkanu ashab a'mal, c'était des gens qui travaillaient. Kana minhum muzari'un, certains d'entre eux ils travaillaient fil al-harth, dans les champs. Wa kana minhum tujjar, yutajiruna bil bay'i wash-shira. D'autres étaient des commerçants. Tujjar comme wa minhum Abu Bakr, parmi eux Abu Bakr radiyallahu anhu, wa minhum Zubayr ibn al-Awwam qui fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zubair ibn al-Awwam ibn Abd al-Muttalib. Wa minhum Abd al-Rahman ibn Auf. Qui fait partie des 10 compagnons qui sont promis au paradis. Et Zubair aussi, Abu Bakr aussi. Abd al-Rahman ibn Auf. Wa minhum Uthman ibn Affan. Uthman également. Fait partie des Tudjar. Ashabu amwal yabi'una wa yishtaroun. Ils vendent, ils achètent. Wa hum afdalu s-sahabati. Une partie des meilleurs des compagnons. Wa kanu yunfiquna fi sabilillah. Et dépenser dans le sentier d'Allah. Wa yujahizun al-juyush min amwalihim. Et ils équipaient des armées de leurs biens personnels. Lam yatruku talab al-rizq. Abu Bakr kana yabi'u wa yashtari. ويساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله في مكة. Donc il dit, ils n'ont pas laissé le shughl, l'amal, le fait de gagner leur vie de manière honnête. Ils vendaient, ils achetaient, ils aidaient les messagers d'Allah صلى الله عليه وسلم depuis que منذ بعثه الله في مكة, depuis qu'Allah l'a envoyé en tant que prophète et messager à la Mecque. وهو يساعده من ماله رضي الله عنه. Il l'aidait de ses biens. في مواقفه المشهورة يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال وغيره. Donc il يطعم المساكين, il nourrissait les pauvres et ils achetaient, yani ils rendaient la liberté aux esclaves. Il va chez le maître de l'esclave, il lui dit combien tu vends l'esclave, il le paye et il lui dit خلاص tu es libre, comme il a fait avec Bilal ibn Rabah al-Habashi radiyallahu anhu, celui qui faisait l'adhan وغيره. Et d'autres, ma taraka al-kasb, ils n'ont pas délaissé le fait de gagner leur vie. وقال انا اجلس واعبد الله وانا من اصحاب رسول الله. Ils n'ont pas dit je reste et je fais des adorations et je fais partie des compagnons du messager. حتى الانبياء, les ulama disent même les anbiya كانوا يشتغلون. داود عليه السلام travaillait dans un forgeron. يذكر عن نوح عليه السلام انه كان نجار, il était menuisier. النبي صلى الله عليه وسلم تاجر, il a fait تجاره, il a fait رعي الغنم, il a fait berger, etc. كانوا يعملون. Donc il dit قوله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنيه خير من الحاجه الى الناس. Donc عمر رضي الله عنه il a dit un gain yani qui a une certaine daniya. Daniya, je sais pas exactement le mot. Ça vient de Dana'a. Dana'a, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Kasbul Hajjam Khabith, le gain de celui qui fait le hijama, il est mauvais. Et les ulama, ils ont dit Hadi mihna fiha Dana'a. Fiha Dana'a. Comment t'as dit Basses. C'est ça, mais je crois qu'il y a un mot. Hajjakak. Déshonneur, honte, lâcheté, petitesse, bassesse, ignominie. Takriban hada huwa. Je vais voir si je trouve un autre mot, inshallah, je vous donnerai la semaine prochaine. Mais c'est à peu près ça. Il dit كونك تحترف حرفة فيها دناءة كالحجامة. Voilà, là il le dit. Il dit le fait que tu fasses un métier qui a une certaine dana, on va laisser entre parenthèses, حتى الأسبوع الجاي, inshallah, comme الحجامة, quelqu'un qui fait الحجامة, تأخذ منها أجرا, et tu fais payer aux gens, tu gagnes ta vie de cette manière, تنفقه على نفسك, et. Yani tu l'utilises pour vivre toi. خير من سؤال الناس والذلة لهم. C'est mieux ça plutôt que de demander aux gens et de ذلة لهم, de s'humilier devant eux. Dans un hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit أن تجتمع حطبا تحويله على ظهرك فتبيعه على الناس خير لك من أن تطلب الناس أعطوك أو منعوك. Le sens du hadith, c'est mieux que tu vas dans une forêt, tu coupes du bois, tu le portes sur ton dos, tu vas le vendre. C'est mieux que tu tendes la main aux gens. Peut-être ils vont te donner, peut-être ils vont s'abstenir. Non. On s'arrête là, Inch'Allah. Quelqu'un veut rajouter Haja? Non. Le hadith au prophète Hussein était avec ses compagnons dans la forêt. Et après, il avait dit chacun avait une fonction. Après le prophète Hussein, il a dit moi, je vais couper du bois. Après, ils lui ont dit non, reste ici. Après, il a dit Ouhibbu an akula bi amali yadi. Wa inna rasoula daou kana yakulu bi amali yadi. Non, hadith fait boulour al-maram. Ce hadith là que tu as cité. Takriban huwa hada. N'hafaz le texte, je ne le connais pas par cœur. Mais c'est ça. Que tu akul min amali yadik. Hatta akhtaraf al-ulama sur le meilleur des métiers. Cheikh Fawzan dans boulour al-maram. Il dit أصح الأقوال أنها المزارعة. C'est نعم agriculture. أحسن المهن. خير إن شاء الله. نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. Le professeur Ben Nasser Suleiman, il l'a interrogé là-dessus. Il a dit,